Chapitre 17. Il demeura les jours suivants plus confiné. Il se disait que son activité n'avait pas eu de résultat utile et que sans doute il n'était pas décidé au remuement. Peut-être aussi ferait-il bien de songer à lui et, si la fin du monde approchait, de préparer sa vie éternelle par quelques méditations. Le soin du jardin ne serait désormais que vanité, mêlée d'un soupçon d'ironie. Le couvent n'avait pas besoin de lui. Tout allait au gré des heures pareilles. En ne lui imposant nulle besogne, en ne lui laissant rien à faire, la Providence l'invitait à la seule prière et à la rêverie d'un homme, que la dissipation ne doit plus amuser. Il était pieux, et pourtant ne méditait pas sans difficulté. C'est le principal effort de l'intelligence, où il faut qu'elle évite les deux périls de l'oisiveté molle ou de l'aventurer pour chasse. Le frère Siméon tendait sa pensée à désirer le paradis, et puis soudain s'apercevait qu'il se disait « Jean a tort d'affirmer si haut ce qu'il ne sait pas. Mais s'il ne croit pas à la fin du monde, je serai en peine de l'en convaincre. Et s'il ne croit pas à la fin du monde, sa colère n'est point absurde. » Il retournait à méditer la vérité surnaturelle. Et puis, ne savait pas comment, par quel chemin de travers ces petits sentiers couverts, s'était évadé sa pensée à déplorer que Michel eût son vœu si roide. Il regrettait aussi d'avoir reçu les riches offrandes des châtelains et le don que Michel avait voulu faire à Dieu. Si par hasard le monde ne finissait pas au moment fixé par le prieur, de quoi, mon Dieu, aurions-nous l'air, se disait-il. Par ce détour, il venait à souhaiter la fin du monde. Il la consentait, il la méditait de son mieux. Dans le village, qui était plus qu'à demi dévasté par la retraite d'un grand nombre d'habitants, la vie languissait. L'on ne travaillait qu'à peine, et tout juste assez pour manger un peu. Il avait la double tristesse de la certitude mauvaise et de la nonchalance. Par rancune et par l'entrain que donne la colère, Jean tâcha de susciter contre l'annonce de la fin du monde une incrédulité analogue à la sienne. Mais la sienne était l'œuvre de quelque hasard. Il ne trouva qu'une petite troupe de partisans, qui d'ailleurs lui fut bientôt infidèle. Le peu d'ardeur qui l'avait animé dut céder à la contagion beaucoup plus ample de l'opinion désespérée. Quelques-uns des villageois, qui d'abord ne montraient nul empressement vers le couvent, s'y vinrent enfermés comme les autres, abandonnant leurs champs et leurs maisons. Jean les accusait de sottise et de lâcheté, les poursuivait de raillerie. L'on vint à le considérer comme un serviteur du malin, qu'il fallait fuir. Et ce fut ce qui le sauva. On l'aurait assommé si l'on avait eu grand peur de lui. Le dernier jour, il fut tout seul dans le village.